Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue pour la 15e de Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Alors aujourd'hui c'est une spéciale rétrospective, comme je l'avais promis, une rétrospective consacrée au groupe In The Nursery, le groupe des frères Humberstone, groupe anglais. Voilà, on va passer toutes les périodes d'In The Nursery au travers des différents thèmes musicaux qu'ils ont abordés. Et bien sûr, on parlera des différentes facettes du groupe, etc., etc., au travers de leur production. Voilà, alors juste un rappel habituel, pour nous contacter ou pour venir nous voir sur nos médias, vous avez la chaîne officielle sur BeatShot, Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Vous avez le blog lastunder.blogspot.com où vous avez toutes les informations et vous pouvez retrouver aussi les posts des émissions précédentes. Vous avez la communauté sur le réseau américain Gab, Last Underground New European Recording. Et aussi, vous avez sur Telegram le canal direct pour les informations directes chaque jour ou tous les deux jours. Vous avez des informations sur Last Underground. Vous pouvez donc nous retrouver sur le canal info Telegram last-underground. Voilà, vous connaissez le lien canal Telegram t.me/last-underground. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons donc hébergé l'ensemble de nos émissions sur archive.org. Bon, vous pouvez nous retrouver sur archive.org en tapant uniquement dans la barre Last Underground, mais de toute façon, nous mettons les liens de archive.org partout. Voilà, en ce qui concerne nos médias. Allez, on va se passer tout de suite un titre donc d'In The Nursery, To The Faithful, tiré de l'album L'Esprit, datant de 1990. Return. Time demands the truth command. Voilà donc pour ce premier titre de cette longue playlist consacrée à In The Nursery. Alors, In The Nursery, c'est à la base un projet musical, mais aussi artistique, parce que nous le verrons en fait au fil de l'histoire du groupe In The Nursery. C'est un groupe qui a été formé quand même en 1981, qui existe toujours. Excusez-moi. Il faut savoir qu'ils ont 35 ans d'existence, ce qui est absolument énorme, puisqu'ils produisent pratiquement produit un album par an, c'est-à-dire que au travers de tous les albums qu'ils ont fait, mais au travers des bonnes sons, puisqu'on en reparlera aussi, ils ont fait des bonnes sons pour le cinéma, en particulier le cinéma des années 30. Et donc on arrive à peu près à 35 albums, 32 albums, et avec plein de choses encore derrière. Donc voilà, ce groupe a été formé par Nigel et Clive Humberstone, originaire de Sheffield. Voilà, bon en fait ils sont connus au départ sur une scène assez rock, new wave, post-punk, et ensuite ils ont été plus connus dans la scène néoclassique, electronica et martial industriel. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont créé en fait plusieurs bandes-sons à poser sur des films muets des années 20, des années 30. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire d'In The Nursery. On aura encore plein de choses à dire d'In The Nursery parce qu'il y a vraiment une influence énorme, sachant que le groupe a lui-même influencé bon nombre d'autres groupes. Voilà, on va continuer avec un autre titre d'In The Nursery, c'est Azure Wings, tiré de l'album L'Esprit, donc datant de 1990, et ensuite on continuera par Always. Voilà, après Always, on reparlera d'In The Nursery. peace with your soul. It is still a beautiful world. Keep peace with your soul. Strive. You have a right. Voilà donc pour le dernier titre, c'était Always, tiré de l'album Duality datant de 1992. Voilà, on continue avec les infos. Pour rappel, il y a la chaîne live sur YouTube. Vous pouvez retrouver les lives avec des playlists non programmées, mais tout de même avec des thèmes. Chaque semaine, vous avez un live que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Last Underground. Et donc, vous retrouverez différents thèmes associés, bien sûr, à Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà pour l'information. Donc, on continue avec In The Nursery. Alors, le nom In The Nursery peut interpeller beaucoup, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas un nom de groupe commun. Alors, il faut savoir que le nom viendrait en fait de textes d'inspiration enfantine liés à l'innocence, l'autisme et le conditionnement. Voilà, le nom du The Nursery, en fait, c'est, ça se traduit par « dans la pouponnière ». Alors, ça correspondrait en fait à l'entité du groupe. Et ils évoquent en fait à travers ce nom-là des inspirations littéraires, peut-être même dans un livre d'une romancière du nom de Enid Blyton, quant à la formule exacte du nom du groupe. Voilà à peu près que, ce qu'on peut dire déjà sur le nom In The Nursery en ce qui concerne ce groupe. Voilà, on continue avec un autre titre, Allégorie. Tiré de l'album Grumlop datant de 2000. About them, if today be sweet. Voilà donc pour le titre Allégorie tiré de l'album Grumblop datant de 2000. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore d'In The Nursery ? Alors plein de choses à dire forcément. Alors faut savoir qu'il y a eu deux formations, deux compositions du groupe. Il y a eu la première formation datant en fait des années 80, début des années 80. Avec Anthony Bennett, Q. Alors Q, c'est un personnage important dans The Nursery parce que quand vous allez entendre en fait au fil des titres une espèce de caisse claire, de caisse militaire, et dans cette caisse militaire en fait c'est le personnage. Voilà, c'est ce musicien. Donc vous allez entendre beaucoup aussi dans des titres datant de toutes les années 90. Et vous avez la dernière composition du groupe, donc avec Dolores Marguerite C. Alors vous allez l'entendre beaucoup. Pourquoi ? Parce que dans certains titres, c'est cette femme qui en fait ne chante pas vraiment, lit plutôt des textes. En fait littéraire, tiré en fait de livres. Bon, on en reparlera justement de cette approche littéraire d'In The Nursery. Et vous avez donc Dolores Marguerite, et pour la dernière version du groupe vous avez David Electric. Voilà, ça c'est les membres actuels. Les anciens membres c'était Anthony Bennett, Q, Sarah J. Holley et Kaz Kelly. Voilà pour en fait la formation du groupe dans son ensemble depuis sa naissance. Voilà, on va continuer avec deux titres à la suite des Nursery. Alors Corruption, tiré de l'album Duality de 1992, et puis ensuite un autre titre, Artisan of Civilization. On en parle, on reparle des Nursery juste après ces deux titres. When thou the world so goest, it stay. 'Tis but thy carcass then, the fairest woman but thy ghost, but corrupt worms the worthiest men. Shall burn this world. Had none the wit unto this knowledge to aspire that this her fever might be it, for much corruption needful is to fuel such a fever long. Thank you. But I had rather own a bee of the one hour than all else ever. nearby to propagate good example, to rise above and decry. Too much faith in systems, look too little to men, receive no help from without, need help from within. Modify to improve, give sense to stimulate, recast our foundations, find a need to create. Too much faith in systems, look too little to men, receive no help from without, need help from within. Voilà, voilà pour le titre In the Nursery. C'était Artisan of Civilization, tiré de l'album Blind Sound, datant de 2000. Voilà pour l'information. Alors, on continue avec In the Nursery. Et bien sûr leur influence. Alors il faut savoir, c'est assez étonnant, mais enfin ça peut paraître étonnant à l'écoute des titres qui passent actuellement. Il faut savoir que In the Nursery a été énormément influencé par les premiers moments du post-punk, et en particulier un groupe, il s'agit de Joy Division. Alors Joy Division, on avait passé lors de l'émission Revival 80-90, et donc ils ont été extrêmement impressionnés par Joy Division, l'ambiance du groupe Joy Division. Et ils ont même été voir Joy Division en concert, c'était à Londres en 1979. Voilà, et en fait ils ont eu toute cette période entre 80 et 83, une période assez, quelque part, assez rock, si on peut dire, un peu, je dirais, cold wave. Et ensuite ils ont pris la direction du mouvement post-industriel et aussi néoclassique. Et ils ont sorti en 1984 un single sur le label New European Recording. Voilà, les nouveaux enregistrements européens, d'où d'ailleurs vient le nom de notre émission. Donc c'était un label, appartenant à Dissingune. Alors Dissingune, on connaît, hein, dark folk, néo folk, etc. Et donc ils ont pris en fait le tournant du côté néoclassique et indus martial, en y incorporant en fait de la caisse claire, donc cette fameuse caisse claire dont j'ai parlé tout à l'heure avec le musicien Q, le côté un peu militari. Voilà. Et donc à partir de là, ils ont eu véritablement, ils sont vraiment intéressés aux symphonies orchestrales de Gustav Mahler, Béla Bartók ou Dimitri Gostakovitch. Voilà, donc ils ont pris donc ce grand tournant industriel martial néoclassique après 1983. Voilà, on va passer à un autre titre, Ad Force Sag, tiré toujours de l'album L'Esprit. Thank you. Voilà pour le titre Dinosaury at Fort Sykiri, toujours de l'album L'Esprit. Voilà, alors pour revenir donc sur In the Nursery, il faut savoir que In the Nursery dans les années 90 a été véritablement reconnu par l'industrie du cinéma, et oui, comme quoi vraiment ce type de groupe vraiment totalement percé dans différents domaines, ça c'est du fait du génie des jumeaux Humberstone. Alors, In the Nursery a en fait commencé à travailler, a été repéré à travers certains de ses titres, et ils ont été suivis par une production d'un film, An Ambush of Ghosts, d'Everett Lewis, avec David Arquette, c'est en 1993, et c'était Sense et Duality, deux albums qui ont suivi pour la première vraie bande originale du film. Il faut savoir aussi qu'ils ont travaillé pour Entretien avec un vampire, pour l'anime japonais Street Fighter 2 au Japon, et aussi pour le film en 94, L'Idéaliste en 97 de Francis Ford Coppola, quand même, pas des moindres. Et ils ont en fait commencé à travailler dans les années 90 sur des bandes-sons datant des films datant de 1920-1930. Comme la bande-son, ils ont complètement fait une bande-son pour un film muet, c'est Le Cabinet du Docteur Caligari, qui était au départ prévu pour une projection en direct dans le métro cinéma de Derby, voilà, en Angleterre. Et donc ça sera en fait eh bien la grande série où ils vont travailler véritablement sur les films muets des années 20. Et cette série en fait de disques et de bandes son va s'appeler Optical Music Series. Voilà. Une autre bande aussi originale, ils ont travaillé, c'est le film Asphalt, qui est sorti en 1997, et celle de l'homme à la caméra en 99. Vraiment, véritablement, In the Nursery a vraiment, vraiment touché à tout, comme on dit, hein, dans le domaine. Voilà, on va continuer avec... deux autres titres à la suite d'In the Nursery. Il s'agit de Temporis, tiré de l'album Sense. Alors, faut savoir que l'album Sense est un de mes albums préférés. Voilà, tout simplement, c'est peut-être le plus martial, le plus néoclassique martial de l'ensemble de leur production. Et ça date de 1991. Et ensuite, ce sera L'Esprit, le titre L'Esprit tiré de l'album L'Esprit. Donc on a passé pas mal de titres de cet album datant de 1992. Voilà, je vous dis à tout de suite et on reparle ensuite, après ces deux titres, d'In the Nursery. Voilà pour le dernier titre d'In the Nursery. Donc c'était L'Esprit, tiré de l'album L'Esprit, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, pour continuer avec In the Nursery, donc on parlait de l'aspect cinématographique, à savoir qu'ils ont, en parlant de ça, ils ont collaboré à une série, puisque ils ont collaboré à la bande originale de la série La Femme Nikita. Et ça, c'était dans les années 2000, voilà pour l'information. Alors, autre, il faut savoir qu'ils sont aussi à l'origine d'albums concept. Alors, des albums concept directement liés à un thème bien précis sur l'ensemble des titres. Donc dans ces concept albums, il y a, d'ailleurs on passera un ou deux titres probablement d'un de ces concept albums. C'est un album comme Anatomy of Poet, datant de 1994. Et c'est des albums concept qui sont en fait à thème, et celui-ci est lié à la psyché créatrice. Voilà, en fait, ces albums concept contiennent des récitations d'œuvres littéraires, comme la poésie romantique de Colin Wilson, qui participe d'ailleurs lui-même à l'album Anatomy of Poet. Il figure également des reprises de Seven Seals, de Scott Walker. Et ils ont fait un autre album, d'autres albums concept comme basé sur l'art déco, comme Lingae. Voilà, toujours en collaboration avec Dolores Marguerite, d'ailleurs, qu'on a entendu tout à l'heure dans un des titres. Voilà, alors faut savoir qu'il y a différentes langues qui sont représentées au sein de ces concept albums, comme le frioulan, l'espagnol, le français, forcément. Là, on a entendu tout à l'heure, c'était du français, et on entendra encore du français aussi à travers la diction de certains textes. Le proto-maya, le japonais, le serbe et l'anglais. Voilà, tout ça. C'est quand même assez énorme. Donc, très européen et à la fois aussi un petit peu extra-européen. En ce qui concerne par exemple le proto-maya ou le japonais. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les productions d'In the Nursery. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est absolument énorme. Voilà, on continue avec un titre d'In the Nursery, c'est Universe, et on en parle juste après. Thank you. Voilà donc pour les deux derniers titres d'In the Nursery. Donc c'était tout de suite Blueprint tiré de l'album Era datant de 2006 et juste avant c'était Universe tiré de l'album L'Esprit encore une fois. Voilà pour l'information de ces deux titres. Alors il faut savoir, petit rappel là, juste avant de reparler de The Nursery, petit rappel, vous pouvez envoyer des dons via la plateforme Monero. Il faut savoir que Monero est une crypto-monnaie, et vous pouvez envoyer donc des crypto-monnaies. Et c'est sous forme anonyme, que ça soit l'envoi et la réception, c'est totalement anonyme. Vous trouverez l'adresse Monero sur chaque média que nous avons, que j'ai cité en début d'émission. Donc cela servira à la mise en place d'un site interactif, Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà pour l'information. Donc on continue avec In the Nursery. Alors, il faut savoir qu'une The Nursery a commencé à porter des instruments traditionnels, c'était aux alentours des années 2000, comme des instruments comme le hautbois, le violoncelle et la flûte. Alors, vous aurez reconnu bien sûr la voix de Dolores Marguerite C, tout de suite sur le dernier titre, ajouté à cela avec une ambiance néoclassique. Voilà, donc en fait, il y a eu l'apport de d'instruments traditionnels et pas obligatoirement qu'électroniques au travers de leur production. Il faut savoir aussi que même s'ils ont beaucoup travaillé sur des bandes son originales de films, etc., il faut savoir qu'ils ont conçu un album qui s'appelle Engel, qui est sorti en 2001. Et c'est une bande originale d'un genre assez nouveau, puisque c'est celle du jeu de rôle allemand éponyme. Voilà. Alors c'est un jeu de rôle, un des premiers jeux de rôle de tableau. Voilà, de table, un jeu de rôle de table plutôt. Et en fait, ils ont conçu une bande originale sur ce thème. Le jeu de rôle s'inspire en fait d'une certaine époque médiévale. Voilà, c'est tout ce que je sais comme information. Voilà sur quoi ils ont travaillé, comme quoi ils sont vraiment travaillé dans différentes directions et tout les intéresse. Donc c'est ça qui est impressionnant avec In the Nursery. Voilà pour l'information. Eh bien, on va continuer après Blueprint. Eh ben, on va continuer avec le titre Tromirai. Et ensuite, on reparle d'In the Nursery. Thank you. Voilà donc pour ce dernier titre de Nursery. Bien, c'était Trop Marré, tiré de l'album L'Esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, on peut dire pas mal de choses. Il faut savoir que... Alors, c'est intéressant, aussi de parler de ce qu'ils pensent et qu'est-ce que pense le groupe, pourquoi en fait, au travers en fait de l'art qu'ils proposent et bien sûr de différents arts qu'ils honorent comme l'architecture, la musique classique, la musique baroque, etc. Ils s'intéressent quand même à pas mal de choses. Alors, il faut savoir que le groupe, lors de la sortie de l'album Era, il s'intéresse en fait à l'architecture liée à notre vie quotidienne. Alors ce qu'ils pensent, ils pensent en fait par rapport à ça que le consumérisme moderne peut être comparé à la façon dont nous négligeons les bâtiments délabrés ou dont nous démolissons au lieu de les rénover. Voilà, de même, l'incapacité d'apprécier notre héritage culturel et l'histoire de l'architecture est l'écho de nos aspirations superficielles dictées par la vie moderne. Le groupe pense qu'en fait, qu'il faudra être attentif à notre passé immédiat, apprendre de ces artisans qui nous ont légué de si belles choses. Donc l'album Era est en partie une manière de rendre hommage à ces gens à l'ombre de leur travail, pense en fait le groupe déjà en 2007. Alors, le groupe a une approche liée à l'héritage culturel, en particulier l'héritage européen la protection justement de l'architecture et de l'art européen à travers ces bâtiments. Donc ils ont une position nettement anti-consumériste et très opposée à la post-modernité, un peu entre guillemets comme une révolte contre un monde moderne plutôt destructeur. Voilà ce qu'on pourrait penser en fait d'une Nursery, du moins dans leur pensée profonde. Voilà en ce qui concerne pour ce groupe. Alors on va continuer toujours avec deux titres, The Seven Seal et Blue Religion. Blue Religion tiré de l'album Sense, un de mes albums préférés. Voilà, tout de suite The Seven Seal et ensuite Blue Religion. Un titre un petit peu dark folk, ça change. I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. Voilà en ce qui concerne le dernier titre d'Insensory que l'on vient d'écouter. C'était tiré de l'album Sense datant de 1991. Et juste avant, Seven Seal, c'était tiré de l'album Anatomy of Poet datant de 1994. Alors faut savoir que le meilleur album, enfin. Meilleur album, après c'est chacun ses goûts. Moi je considère par exemple, et à juste titre, que les albums Sense, Anatomy of Poet, Duality et L'Esprit sont peut-être les 4 meilleurs albums d'Insensory. Et d'ailleurs je vous conseille de les écouter parce que c'est véritablement assez large pour ressentir véritablement ce que fait Insensory dans sa globalité. Voilà ce qu'on peut dire, d'Insensory. Alors, il faut savoir qu'Insensory, dans l'album Blind Sound, justement, tout à l'heure, on avait passé à des titres de l'album Blind Sound, intègre dans cet album, à travers les titres, le violoncelle, le violon, la harpe et la clarinette. Comme quoi, toujours pas obligatoirement uniquement de l'électronique. Donc, ils se sont toujours inspirés, en fait, de la musique symphonique, musique baroque, musique classique, très orchestrale. Voilà pour Insensory. Il faut savoir qu'ils avaient un projet, pour l'instant on n'en a pas entendu parler, ils avaient un projet inspiré par le département des neurosciences de l'université de Sheffield, voilà, un projet musical. Voilà, ça reste encore mystérieux. Et puis une bande son d'un autre film muet qui normalement devait être en préparation. Et présenté en avant-première à Mexico. Pour l'instant on n'en a toujours pas entendu parler. En tout cas, Insensory donc continue son chemin. Faut savoir qu'en 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient fêté un concert d'anniversaire de 35 ans d'existence au Wave Gothic, très fun, à Leipzig en Allemagne. Voilà pour ces dernières informations. On va continuer avec Anatomy of Poet, tiré de l'album Anatomy of Poet. Voilà, on continue avec le titre Syntonic tiré de l'album Sense. Voilà donc pour ce dernier titre au départ qui est vraiment très ambiant parce que Nursery a vraiment travaillé sur des aspects très ambiants. Donc comme ce titre Syntonic et après qui part vers quelque chose de plus néoclassique. Voilà. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que ils avaient travaillé sur une bande-son originale d'un film muet datant de 1928, The Passion of Jeanne d'Arc, La Passion de Jeanne d'Arc. Alors, c'est un film qui avait été réalisé par Carl Theodor Dreyer en 1927 et projeté pour la première fois le 21 avril 1928. Alors, il faut savoir qu'Ins and Nursery a tenté des approches auprès des cathédrales françaises et en particulier la cathédrale de Rouen pour en fait y jouer la bande qu'ils ont conçue, la bande originale, du moins une bande musicale qu'ils ont fait pour le film The Passion of Jeanne d'Arc tirée de leur série Optical. Et alors pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé, d'après les informations que nous avons, ça ne s'est pas concrétisé, mais ils espèrent, le groupe espère un jour jouer dans une cathédrale française, et en particulier forcément la cathédrale de Rouen, puisque cette ville est hautement symbolique du fait que Jeanne d'Arc a été brûlée à Rouen. Voilà pour l'information, et voilà sur quoi il travaillait encore. Alors il faut savoir aussi que le dernier album du The Nursery date de 2017. C'est l'album 1961 qui en fait est un retour aux sources un petit peu de ce qu'il faisait dans les années 80, tout au début des années 80, le côté un peu post-punk, cold wave, etc. Assez intéressant, mais totalement qui s'éloigne de la majorité des productions. Voilà, on va continuer avec deux titres, In Perpetuum et Paper Desert, et ensuite on reviendra avec In the Nursery et encore quelques informations. Voilà pour ce dernier titre, c'était donc Paper Desert tiré de l'album Anatomy of Poet. Alors, faut savoir que Nintendo Sorry aussi a travaillé, on n'a pas parlé des collaborations, mais Nintendo Sorry a pas mal collaboré avec des groupes comme Massive Attack, groupe de trip-hop, mais aussi des groupes assez connus dans le domaine de la Cold Wave comme... And I Saw the Trees. Voilà, ils ont travaillé avec pas mal d'autres artistes dans le domaine de l'électronique. Ils ont même d'ailleurs conçu une hymne électro house électronique. Voilà, comme quoi véritablement on les retrouve un petit peu partout dans différents domaines. Alors il faut savoir que tout récemment, enfin les choses les plus récentes qu'ils ont faites pour l'instant, ça date de 2019. C'est la bande son d'un film français, La Coquille et le Clergyman. Voilà, en fait c'est un moyen métrage français réalisé par Germaine Dulac. Ça a été projeté le 9 février 1928 au studio des Ursulines à Paris. Alors le film apparemment s'inscrit dans le cinéma surréaliste. Voilà, donc ils ont fait une bande son complète voilà, pour ce film français. Il y a aussi autre chose, en particulier pour les lives, il n'existe qu'un seul live qui date de 1996 en CD. C'est Pra 1. Voilà pour l'information qui concerne les lives. On va continuer avec un titre que j'avais déjà passé d'ailleurs lors d'un live sur la chaîne live YouTube. Sur YouTube, la chaîne Last Underground, c'était un hommage à ceux qui soutiennent Last Underground au travers des réseaux sociaux. Voilà, c'est Vantage comme titre, et donc on se l'écoute et on revient après avec Angel Chrome, et on reviendra bien sûr sur quelques informations concernant In The Nursery. Yes. Voilà, donc pour ce dernier titre, c'était juste avant celui-ci, c'était Vintage tiré de l'album Era. Et ensuite, là, le dernier titre, c'était Angel Chrome tiré de l'album Sense, dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Voilà, c'était l'avant-dernier titre d'ailleurs de cette émission, puisque l'émission se termine. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en Dinosaur Souris? Alors, assez récemment, il s'agit de janvier 2021 de cette année, donc ils ont travaillé sur un film amateur, Crusader of Space, un film qui a été fait entre 1937 et 1939 et qui a dû s'arrêter suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un film de, apparemment, c'est le début d'un film de science-fiction sur une bande qui en fait dure 9 minutes et ils ont réussi en fait à créer deux bandes originales pour ce film. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que le film, c'est une bande qui a été rajoutée et qui a été mis en scène et a été filmé par leur père Arthur Humberstone. Voilà pour la petite anecdote, ce qui est quand même assez impressionnant. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Récemment, ils ont sorti au mois de décembre la réédition de l'album Storm Horse, qui est une édition CD, mais sauf que l'emballage est quand même assez beau puisque c'est un emballage métal personnalisé, gravé au laser, avec le titre de l'album. Et ça comprend une impression de blocs de bois fait à la main sur du papier bronze nacré de 125 grammes en relief avec le logo ITN, In The Nursery. Voilà, c'est absolument magnifique, moi je l'ai vu en photo, c'est vraiment très très beau, c'est une édition limitée avec les numéros séquentiels correspondants et uniques. Voilà pour la dernière information. Voilà, j'espère que cette émission en tout cas vous a plu. C'était une longue rétrospective d'Indonnercery, pas moins de plus de 2 heures. Et ça a permis en fait de mieux vous faire connaître le groupe, ses productions et aussi là où il a été en fait, sur les terrains où il s'est aventuré. Donc leur aventure en tout cas à eux continue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes sur BeatShot, bien sûr, la chaîne officielle Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Et bien sûr, la chaîne live sur YouTube Last Underground. N'hésitez pas aussi à venir sur Gab, puisqu'il y a une communauté officielle Last Underground. N'hésitez pas aussi à passer sur le blog lastunder.blogspot.com pour les diverses informations. Et bien sûr, si vous voulez des informations en direct, c'est le canal Telegram Last Underground, last-underground. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, comme je vous le disais en début d'émission, vous pouvez retrouver l'ensemble des liens sur l'ensemble de nos médias. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, chers camarades, et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec un dernier titre, bien sûr, d'In The Nursery. Il s'agit de The Engraver, le graveur, voilà, tiré de l'album Duality. Voilà, on en a passé pas mal de cet album. Allez, à bientôt et à une prochaine sur Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. avec Alan Moore. Les puissances poétiques. Viens avec moi. J'ai besoin de toi.